La Corée encourage le costume traditionnel. Les dessins des habits traditionnels de dimanche, de noces et de tous les jours sont standardisés pour femmes, personnes âgées et enfants. La technique de leur fabrication étant améliorée, les vêtements sont commodes, beaux et élégants. L'association du costume coréen organise fréquemment l'exposition nationale des habits nationaux en vue de faire valoir davantage les caractéristiques et la supériorité des habits coréens empreints de l'intelligence et des talents des Coréens. Elle veille encore à la généralisation des habits traditionnels conformément au goût esthétique du temps et à l'amélioration de la technique de leur fabrication.